Les saints, psychologie des saints, par Henri Joly, membre de l'Institut, 16e édition, librairie Victor Lecoffre, J. Gabalda, éditeur, 1918. Markemdanarchive.org, d'après Université de Toronto, licence Creative Commons, pas d'usage commercial, partage à l'identique. Chapitre 5. La sensibilité, l'amour et l'action. La sensibilité des saints. Par qui à l'organisme et modification que ce dernier subit en eux? Rôle prépondérant du cœur. Exemple mémorable. Aptitude du saint à la souffrance et à l'émotion. Par quoi est-il ému? De la sensibilité commune, il ne sacrifie que l'amour propre. Affections humaines et naturelles, affections surnaturelles et célestes. Amitié et plaisir léger, l'amour de Dieu chez les saints. Ses rapports avec la souffrance, accepter, demander, chercher. Ses rapports avec l'action. Comment l'aptitude des saints à l'action est entretenue par leur amour même de la souffrance, par la façon dont ils pratiquent la contemplation, par la netteté de leur foi. La joie dans la douleur, l'enfantement moral. Le grand précepte de saint Ignace sur les résolutions prises au temps de la consolation. La vie active des saints et son programme. Conclusion. Il y a moins de préjugés à dissiper pour montrer que les saints aiment beaucoup plutôt que leur âme est tout amour. Mais je voudrais d'abord étudier avec quelques détails la sensibilité des saints. C'est une vérité bien acquise dans la philosophie chrétienne que la sensibilité, saint Thomas disait simplement, et dans un sens très général, la passion, appartient au composé humain. Cela veut dire que les phénomènes si complexes du plaisir et de la douleur, de la passion et de l'émotion, sont déterminés à la fois par des états physiques et par des états mentaux. Il me paraît impossible de nier ce que l'émotion doit aux habitudes d'esprit, à l'éducation bien ou mal donnée, à la pratique bien ou mal dirigée du raisonnement, aux tendances de l'imagination, aux idées, enfin et surtout aux croyances. Mais on ne peut méconnaître davantage ce que la sensation des troubles physiques, des mouvements circulatoires et des divers actes réflexes intéressant chacun de nos organes aux modifications de tous les autres, apportent de promptitude ou de langueur, de calme ou d'intensité aux émotions qui nous travaillent. La sensibilité des saints ne saurait évidemment échapper à la loi commune, elle se trouve tout d'abord sous la dépendance de leur tempérament. Si, par exemple, les femmes sont en général plus sensibles et plus émotives que les hommes, on s'en apercevra même chez les saintes. Adhère-t-on à ce mot de Schopenhauer, la femme paie sa dette à la vie, non par l'action, mais par la souffrance. À quoi Monsieur Fouillet dit justement qu'il faut ajouter, et par l'amour, on ne pourra s'empêcher de l'appliquer aux héroïnes de l'Église. Or, il est évident que la constitution physique joue ici un grand rôle, c'est un point sur lequel on me dispensera d'insister. Mais l'existence des saints nous offre-t-elle, dans les modifications de leur vie corporelle, de quoi nous éclairer sur les mouvements de leur sensibilité? Il semble au premier abord que ce soit là un problème de pure fantaisie. Cherchons cependant. On a pu croire, et cette opinion a semblé confirmée par une leçon célèbre de Claude Bernard, que dans la sensibilité tout se passe entre le cœur et le cerveau, et que ce sont là les deux seules pièces du mécanisme de l'émotion. À coup sûr, ce sont les deux pièces maîtresses, c'est par le cerveau que l'image, arrivant par surprise et repoussée, ou bien au contraire évoquée, retenue, caressée, agit sur les mouvements du cœur, puis, c'est bien le cœur qui, sous l'action d'une pression plus ou moins forte, envoie son sang à plein jet ou bien le retient, Il livre ainsi le cerveau soit à l'excitation d'un afflux sanguin qui nous empourpre, soit à un ralentissement qui nous fait pâlir et nous enlève jusqu'au sentiment de notre existence. Mais il ne paraît pas que ce soit là toute la vérité. Il est encore bien des organes qui concourent à modifier nos sentiments autant que nos sensations, car, d'un côté, leurs mouvements propres ou leurs sécrétions affectent les nerfs qui doivent régler le rythme des grands organes, et d'un autre ils reçoivent eux aussi le contre-coup des mouvements du cœur, quand le sang leur est soit refusé, soit trop libéralement envoyé. Un observateur qui n'est point à dédaigner l'avait remarqué depuis longtemps, et l'avait enseigné dans ses aphorismes sur la bile, sur le fiel, sur la rate. La science expérimentale de nos jours s'efforce de nous mieux donner le déterminisme des différentes parties du phénomène, mais elle est très loin de le nier. Peut-être même à son tour en exagère-t-elle l'importance quand, par exemple, elle avance, sur certains faits pathologiques ou sur des expériences d'amphithéâtre, qu'une anesthésie plus ou moins factice de la peau, des muqueuses et de certains viscères pourrait amener une disparition des phénomènes affectifs de tout ordre. Voyez Revue philosophique de mars 1894, article du docteur Solier. Quoi qu'il en soit, il est certain que nos devanciers n'avaient tort ni quand ils faisaient si largement la part du cœur, ni quand ils réservaient celle d'autres organes, ils avaient peut-être mal expliqué, mais ils avaient bien observé. Était-il également dans le vrai, quand ils attribuaient à la sensibilité du cœur un rôle plus noble, quand ils en faisaient l'organe du courage, de l'amour, de l'enthousiasme, de la souffrance morale franchement et fortement acceptée, qu'ils attribuaient aux autres organes une influence plus marquée sur les tourments de la jalousie cachée, de l'envie secrète, de la tristesse rongeuse? Tout porte à le croire, il n'est pas téméraire de l'expliquer par le lien plus étroit qui existe entre le cœur d'une part et d'autre part le cerveau, organe des images les plus lumineuses, les plus soumises à l'action de notre volonté, les mieux fixées par notre libre adhésion. Mais n'oublions pas que la vie humaine est un ensemble complexe d'actions et de réactions où le corps et l'esprit se modifient alternativement l'un l'autre. S'il est des dispositions natives de telle ou telle partie de l'organisme qui concourent à une passion plutôt qu'à une autre, il est aussi des habitudes volontaires qui enrayent ou qui accélèrent ce mouvement, qui créent même dans cette sensibilité mixte des courants plus ou moins puissants. Bien des hagiographes l'ont remarqué à l'occasion de leurs personnages, la colère, la haine, la douleur contractent les vaisseaux, ralentissent le mouvement des fluides et produisent des obstructions, tandis que l'espérance, la joie de l'amour divin, qui est toujours régulier, dilate le cœur et les vaisseaux, active le mouvement des fluides et augmente les esprits. Tel est du moins le vieux langage qui n'est pas si éloigné qu'on peut le croire des théories de la physiologie contemporaine. Reportons-nous maintenant à nos saints. Il suffit de rappeler d'un mot le genre de vie de l'immense majorité d'entre eux pour être convaincu que leur sobriété, leur continence, leurs austérités ont dû simplifier en eux bien des mouvements émanés des organes de la vie végétative ou animale. Chaque cellule des Chartres offre sur sa porte extérieure une devise latine, la première sur laquelle je tombais dans ma visite au grand couvent du Dauphiné, contenait ces mots, sobriété, simplicité, tranquillité, belle gradation, dans laquelle le premier terme entraîne nécessairement les deux autres. Celui qui l'avait résumé ainsi était bien d'accord avec un des plus ingénieux moralistes de l'Antiquité. À deux reprises différentes, Sénèque affirme que le bien-être est l'aliment de la colère. Le principal aliment de la colère, dit-il encore ailleurs, est le luxe et la mollesse. Paradoxe apparent, vérité profonde, que j'ai eu plus d'une fois l'occasion de vérifier dans le monde du crime où, malgré certains préjugés entretenus par les mondains, il faut moins se défier de ceux qui souffrent que de ceux qui jouissent. Mais ne nous écartons pas, contentons-nous de maintenir que par répercussion physiologique non moins que par un ensemble d'habitudes imposées à toutes les facultés de l'esprit même, l'apaisement des appétits doit amener l'apaisement d'une portion considérable de la sensibilité. Il n'en est pas de même du cœur proprement dit et du mode de sensibilité qu'il gouverne. C'est un document symbolique, si l'on veut, très instructif à coup sûr, que l'autopsie faite de Saint Philippe de Néry. Les organes inférieurs étaient atrophiés, mais le cœur avait subi une dilatation telle qu'il avait dû, pour se faire place, refouler une des côtes et s'ouvrir une sorte de cavité artificielle. De là chez lui une circulation intense et une chaleur générale qui défiait toutes les froidures, de là aussi, on peut le penser, ces accès de verve humoristique entrecoupant les effusions de cet amour ardent qui lui faisait dire « Rien n'est dur comme de vivre à qui aime vraiment Dieu ». Ces phénomènes singuliers de l'organe physiologique du cœur, on sait qu'ils sont fréquents chez les saints. Je n'examine pas ici les cas les plus extraordinaires et ceux que la piété catholique a le droit de tenir pour vraiment surnaturels, comme la transverbération du cœur de Sainte Thérèse et comme ces visions dans lesquelles plus d'un mystique a senti, dit-il, que le Christ lui-même lui donnait son cœur en échange du sien. Sans doute il n'est pas défendu de voir dans la plupart de ces récits l'effet d'une imagination qui, du sentiment d'un trouble corporel se laisse emporter à une vision symbolique et la prend innocemment pour une réalité. En tout cas, s'il est vrai que le miracle même, pour se réaliser, met en jeu des forces naturelles, il a bien fallu que le personnage éprouve un changement physique dans cette partie de son organisme. Or non seulement il l'a senti, mais les résultats de la modification matérielle, soit sur le cœur même, soit sur des organes frappés d'afflux sanguin et de stigmates, ont été constatés bien des fois dans des procès-verbaux authentiques. Dès que je le vis, Jésus, clairement des yeux de l'âme, comme je l'avais demandé, pauvre, douloureux, méprisé, dit la bienheureuse Angèle de Foligno, je sentis une douleur poignante, comme si mon cœur allait se briser. Ce n'est peut-être là que l'expression à peine exagérée de ce qu'éprouve, dans les grandes circonstances de la vie, les plus sensibles d'entre nous. Il y avait déjà plus chez Madeleine de Pazzi. Notre Seigneur lui apparut un jour pour lui montrer son cœur, et, à partir de ce moment, pour soulager l'incendie qui la dévorait, elle était obligée d'entr'ouvrir ses habits ou de se répandre en d'interminables paroles qui ressemblaient à des chants. Sainte Catherine de Gênes croyait avoir une plaie dans la poitrine. Pour remède, elle tenait souvent la main sur son cœur, qui haletait. 18 mois après sa mort, elle fut exhumée, son corps était intact, l'ensemble de la peau était jaune, mais la peau qui répondait au cœur était encore toute rouge. On sait que des phénomènes analogues et plus surprenants encore ont été remarqués sur les cœurs de Sainte Jeanne de Chantal et de Saint François de Sales. Ces merveilles méritent bien des commentaires, qui ont d'ailleurs été faits avec autant d'éloquence que d'autorité. Ici, et au point de vue particulier qui nous occupe, j'en retiens surtout ceci. Elle nous explique comment la sensibilité des saints a bien eu ce caractère cordial qui se prête plus que tous les autres à une étroite union entre le corps et l'esprit, entre le mouvement du sang et le mouvement des idées. On le comprendra maintenant, ce qui importe le plus pour juger la sensibilité de ces hommes d'élite, ce n'est pas encore tant leur capacité de jouir ou de souffrir, c'est leur disposition à jouir ou à souffrir pour telle cause ou pour telle idée. La croyance commande l'amour, l'amour commande les images, et celles-ci provoquent les émotions qui traduisent visiblement les sentiments intérieurs. Or, le monde croit volontiers que le mystique est devenu insensible parce que la terre ne l'émeut plus, et le mystique croit au contraire que c'est dans les années antérieures à sa conversion que sa sensibilité était morte, et que c'est la grâce qui la ravivait. Alors, dit sainte Thérèse, mon cœur était si dur que j'aurais pu lire toute la passion sans verser une seule larme, et une telle insensibilité me désolait. Et plus loin, ces larmes, fruit en quelque sorte de nos efforts soutenus par le secours divin, sont d'une inestimable valeur, et ce n'est pas assez de tous les travaux du monde pour en acheter une seule. Quand le saint souffre ainsi avec le Christ, cesse-t-il de ressentir ses propres souffrances? Cesse-t-il d'être ému par les passions communes de l'humanité? Quelquefois oui, mais plus souvent, selon les expressions de Benoît XIV, le sens n'est pas éteint, il n'est que soumis. Qu'il s'agisse du martyre physique et des tortures matérielles qui l'accompagnent, ou qu'il s'agisse de ce martyre moral qui a éprouvé tant de grandes âmes, on peut leur appliquer ces paroles de saint Bernard, sermon 61. Reproduites par beaucoup de saints qui sans nul doute y avaient retrouvé leur propre expérience. Où est alors l'âme du vaillant? Elle est en sûreté, car elle est dans les entrailles de Jésus. Si elle était dans les siennes propres et les fouillait de son regard, elle sentirait le fer qui les perce, la douleur lui deviendrait intolérable, elle y succomberait ou la repousserait. Mais ne nous étonnons pas si, volontairement sortie de son corps, elle n'en sent plus les douleurs, la sensibilité chez lui n'est pas anéantie, elle n'est que vaincue, et ce qui l'avait transformée, ce n'est pas la stupeur, c'est l'amour. Voilà encore une formule d'une précision toute latine en même temps que toute scientifique, qu'elle nous serve à distinguer de mieux en mieux l'état psychologique des saints de l'état de ceux qui n'ont avec lui qu'une si trompeuse ressemblance, les moines bouddhistes, les fakirs, les maladés, puisqu'il faut les nommer une fois de plus, les hystériques. L'auteur des deux récents volumes sur l'hystérie, qui a appelé sainte Thérèse, la patronne, de ces malades, a dû penser plus d'une fois à elle et à ses pareils quand il a traité ça et là des altérations des émotions. Tantôt il insiste avec ses devanciers sur les émotions, exagérées et perverties, dont les attaques hystériques sont le plus souvent des manifestations. Ailleurs il montre comment l'émotion familière du sujet se développe isolément et sans contrepoids. Cette dernière observation le conduit à une autre qui ne la contredit qu'en apparence et qui paraîtrait juste, c'est que les hystériques ont en réalité moins d'émotions qu'on ne le croit, car, leur caractère principal est ici, comme toujours, une diminution des phénomènes psychologiques. Ces malades sont, en général, fort indifférents, au moins pour tout ce qui ne se rattache pas à un petit nombre d'idées fixes. Leurs émotions sont exagérées, disproportionnées, mais monotones et peu nombreuses. Je l'avouerai sincèrement, je crois que si sainte Thérèse, qui a donné une si étonnante et si exacte description des quatre grandes formes de la mélancolie, lisait ces lignes, elle y reconnaîtrait sans hésiter l'état de plus d'une de ces religieuses qu'elle se voyait obligée de soigner. Note. Et particulièrement de la « pauvre extatique » qu'elle avait guérie, en la faisant mieux manger. Je ne crains donc pas de rapprocher encore ce souvenir du passage suivant de Monsieur Pierre Janet. Souvent, grâce au repos, à une meilleure alimentation, à plus de sommeil, la malade va mieux, alors elle retrouve des émotions qui avaient disparu. Fin de la note. Mais ici pas plus qu'ailleurs il ne faut confondre le mystique malade avec le saint. qui voudrait, sous une semblable description, retrouver les caractères si riches et si divers d'une sainte Thérèse, d'une sainte Chantal, d'un saint Bernard ou d'un saint François de Sales. Je sais bien que l'on dira, vos personnages ont, en présence d'un crucifix, des émotions qui les bouleversent, et ils apprendront sans émotion une révolution qui troublera tout un pays. Admettons-le. D'autres répondront que parmi ceux qui font cette objection, plus d'un sera tourmenté par des fictions inutiles et sera insensible à la passion du Christ qui a sauvé l'humanité. Mais l'argument le plus subtil de l'aliéniste ne serait-il pas caché dans cette partie de son observation? Les hystériques perdent surtout les émotions sociales, altruistes, qui sont les plus complexes de toutes. Note. Elle devrait l'être en tout cas, mais si l'assertion paraît exacte en théorie, l'est-elle toujours en fait? L'analyse d'un La Rochefoucauld simplifie terriblement cette complexité en ramenant toutes les inclinations sociales à l'amour propre. Or, quelles sont les âmes chez lesquelles risque de se vérifier la formule de l'impitoyable moraliste? Sont-ce les âmes vulgaires ou les hommes des saints? Fin de la note. Eh bien, les saints ont-ils perdu ces émotions? Le chercher sera pénétré encore dans la psychologie intime de nos héros, tout en achevant d'éclairer les traits extérieurs de leur physionomie et de leur personne. Demandons-nous donc ce qu'aiment les saints. Qui ils aiment? Dieu, assurément. De cette vérité personne ne doute. Osons même dire qu'on est porté à l'exagérer en ce sens qu'on croit assez facilement qu'il n'aime que Dieu. Ici encore il faut se rendre compte du développement graduel de la sainteté, Platon eût dit de sa dialectique, et beaucoup diraient aujourd'hui de son évolution. On se tromperait donc certainement, si l'on prétendait surprendre et fixer en quelque sorte la sainteté au moment précis où elle fait ses plus pénibles sacrifices. Mais le moine et le religieux n'existent-ils que le jour où ils aspirent à couper les derniers liens qui les enchaînent au monde? Sainte Chantal n'a-t-elle été sainte que quand elle a passé sur le corps de son fils? Il serait plus juste de dire qu'elle accomplissait là un acte que sa sainteté prolongée devait justifier et pouvait seule justifier. Saint Jean de la Croix nous a appris qu'il fallait passer par une certaine nuit des sens et de la mémoire pour arriver ensuite au plein jour d'une imagination et d'une intelligence illuminant les choses mêmes de la terre. Ainsi faut-il dire que le saint passe par une nuit du cœur, mais qu'il n'y reste pas. Le lendemain de sa prise d'habit, une religieuse voyait la vie de la mère Marie de Salles-Chapuis, à la visitation de la rue de Vaugirard, page 353, et l'écrivait, selon la règle du noviciat, « J'avais brisé toutes mes correspondances. Ce sont surtout ces sacrifices de cœur, ce détachement universel que Dieu nous demande, à nous, pauvres filles, qui n'avons plus sur terre ni pays, ni patrie, ni parents, ni amis. » Mais, arrivée là, elle se reprend vite, et, sans même interrompre sa phrase, elle poursuit en disant, ou plutôt je me trompe, le monde entier nous est ouvert, puisque saint Vincent de Paul nous l'a dit, et notre amour enveloppe le monde entier. La jeune religieuse parlait là, en effet, le langage des saints. Avant saint Vincent de Paul, sainte Catherine de Sienne aimait à dire, ce qui fait que les serviteurs de Dieu aiment tant la créature, c'est qu'ils voient combien l'aime le Christ, et la condition de l'amour, c'est d'aimer ce qu'aime celui que nous aimons. C'est là une pensée qu'elle répète bien des fois. Voyez l'être, tome 1, page 237, tome 2. Page 327. Aussi les contemporains parlent-ils des innombrables réconciliations qu'elle opérait et qui furent une des causes principales de sa grande influence sur les affaires publiques de son pays. mais bien d'autres saints encore, qui n'ont agi qu'en secret ou dans des œuvres cachées, ont exprimé cette même vérité, que, quand Jésus crucifié entrait dans une âme, il y amenait avec lui cette humanité dont il avait porté sur la croix toutes les afflictions et toutes les espérances. La loi de la sainteté est de se détacher de tout ce en quoi on ne se complaît que par amour propre. Cette règle est tellement absolue qu'elle s'étend jusqu'aux consolations spirituelles. Oui, c'est là un principe de tous les grands mystiques, que les aridités et les sécheresses ont pour fin et pour utilité principale de détacher l'âme, non pas des biens surnaturels, mais de l'amour sensible et personnel qu'elle peut leur porter. Une fois que l'amour propre est anéanti, la barrière tombe, et non seulement il n'est plus prescrit de se détacher de tout, mais il est ordonné de tout aimer, pourvu que ce soit, pour l'amour de Dieu. On m'arrêtera ici pour me dire, aimer le monde entier, c'est n'aimer personne, et cet amour universel est précisément ce qui tue les affections naturelles. Est-ce n'aimer personne, répondrai-je, que d'exercer la charité, ainsi que l'ont fait les saints, envers les pauvres pour lesquels ils se dépouillent de leurs vêtements et se privent de nourriture, envers les malades dont ils baisent les plaies, envers les pèlerins et les étrangers dont ils se font les hôtes gratuits, envers les orphelins et les enfants trouvés auxquels ils rendent une famille, envers les lépreux, les teigneux et les pestiférés dont ils affrontent la contagion sans autre défense que leur foi et leur prière, envers les captifs qu'ils rachètent au prix de leur propre liberté, envers les esclaves qu'ils affranchissent, envers les nègres, qu'ils défendent contre l'emportement belliqueux du vainqueur, envers les galériens ou condamnés à mort qu'ils assistent comme le faisait la Vierge de Sienne, envers les filles pauvres et exposées au mal, auxquelles ils ouvrent des refuges, enfin et surtout envers les affligés, les pécheurs et les pécheresses, pour lesquels ils ressentent la pitié passionnée et la miséricorde de Jésus. Il n'y a point de pasteur, point d'apôtre, point de père digne de ce nom qui ne doivent s'écrier, à chaque instant du jour, avec saint Paul, qui est faible sans que je m'affaiblisse avec lui, qui est scandalisé sans que je brûle, qui souffre, à ma connaissance, de quelque manière que ce soit, sans que je souffre avec lui. Quant aux affections naturelles, je crois qu'elles sont toujours chez eux également, quoique diversement, puissantes. La façon particulière dont ils les ressentent dépend des conditions d'état dans lesquelles ils se trouvent placés. Un saint ou une sainte sont-ils engagés dans les liens du mariage, il leur arrivera d'être les modèles des époux, je dis au regard même de l'amour humain. Ni sainte Brigitte, ni saint Louis, ni sainte Élisabeth de Hongrie, ni sainte Chantal, quels qu'aient été les progrès ultérieurs de leur sainteté, n'ont jamais éprouvé aucune difficulté à concilier cet amour humain et l'amour divin. Est-ce par le premier qu'ils avaient débuté? Il n'y aurait eu là rien d'impossible. Tout devoir d'état accompli selon la loi et avec cœur mène à Dieu. C'est du Père selon la nature que l'enfant s'élève ou se laisse conduire à l'idée du Père qui est aux cieux. Pourquoi, de l'amour qu'elle a pour son époux selon la chair, la femme ne se sentirait-elle pas portée à un amour plus vif encore pour celui que le langage mystique appelle si fréquemment l'époux de l'âme? Saint Bernard a écrit textuellement, épître 2, cité dans la Nouvelle Vie de Saint Bernard, par l'abbé Vacandard, tome 1, page 183, l'amour commence par la chair et il finit par l'esprit. Et sainte Catherine de Sienne, avec un langage encore plus précis, écrit que rien ne triomphe du cœur de l'homme comme l'amour, car, dit-elle, il a été fait par amour, et c'est pour cela qu'il est porté à aimer. L'homme est fait par amour quant à l'âme et quant au corps. Par amour, Dieu l'a créé à son image et ressemblance, par amour aussi, son père et sa mère lui ont donné l'existence. Il est vrai que, lorsqu'elle redescend au père ou à l'époux temporel, l'âme redescend avec un amour qui s'est épuré. Mais s'épurer n'est pas s'amoindrir. L'accord en tout cas paraissait au sein si facile, que cette sorte de mouvement alternatif n'exigeait de ni longue préparation ni longue phase, et il se renouvelait pour eux tous les jours. Sainte Élisabeth de Hongrie s'ingéniait avec son mari à trouver les moyens de le quitter le moins possible, car il s'aimait, dit un contemporain, au-delà de ce qu'il est possible de croire. Le jour où, fouillant familièrement dans l'aumônière de son mari, elle apprit par hasard qu'il s'était engagé à partir pour la croisade, la première émotion qu'elle en éprouva fut si violente, qu'elle s'évanouit. Lorsqu'il fallait qu'elle restât seule, elle se précipitait sur les appareils de la pénitence, et elle en usait comme si elle n'eût eu d'amour que pour son Dieu. Dès qu'on lui annonçait le retour de son époux, elle se parait selon son rang et de son mieux, pour lui plaire, bien que sa beauté naturelle et leur affection réciproque y eussent amplement suffi. Dans leur latin naïf et sans crainte, les chroniques du temps racontent que le soir elle se mortifiait durement pour aller ensuite au lit conjugal avec son agrément et sa gaieté. Je n'ai pas besoin de renvoyer à la délicieuse vie de Sainte Élisabeth, par Montalembert. Mais, retourner du service de Dieu à ses devoirs de femme, ce n'était pas seulement à son mari qu'elle ouvrait un cœur dilaté, c'était aux pauvres, aux mendiants, aux endettés, aux malades abandonnés et aux mourants. Il lui arrivait d'ensevelir elle-même des morts dans des draps de son propre lit et de suivre avec recueillement le cercueil du dernier de ses sujets. Soit, dira-t-on, mais que faites-vous des cinq qui ont rompu avec la famille et avec le monde? Je dirais qu'ils ont rompu de chers liens pour les renouer d'une autre manière. Ils avaient besoin de les renouer. Leur nature le leur demandait autant que leur devoir. La plupart de ceux qui quittent ainsi leur père et leur mère se reconnaîtraient, je crois, dans ces paroles de Sainte Thérèse. Oui, je dis vrai, et le souvenir m'en est encore présent, lorsque je sortis de la maison de mon père, j'éprouvais comme les douleurs de l'agonie, et je ne crois pas que la dernière heure me puisse réserver des angoisses plus cruelles. Je sentis tous mes os qui allaient se détacher les uns des autres. Sa vie, page 30. Aussi faut-il toujours se souvenir que, quand l'âme du saint revient à la terre et lui rapporte avec son amour naturel l'amour nouveau qu'elle a puisé au contact du cœur du Christ, elle les distribue l'un et l'autre selon les relations que commandent les devoirs primordiaux et selon celles que permet la liberté des âmes. Ce n'est pas seulement Sainte Chantal qui, après avoir fondé son ordre, ne s'en occupe pas moins à marier ses filles et son fils et obtient de ce dernier ce témoignage que, si elle fut restée dans le monde, son amour maternel et sa, non pareille prudence, n'aurait pu rien inventer de meilleur pour lui que ce qu'elle a su lui trouver. Voir Monseigneur Bougot, Histoire de Sainte Chantal, tome 2, page 39, Conferib idem, 417. Ce n'est pas seulement elle qui continue à aimer les siens avec une telle intensité, que la douleur qu'elle ressent ou de leur perte ou même des chagrins qu'ils éprouvent à leur tour par la perte d'un mari ou d'un enfant, met en danger sa propre existence. La grande carmélite, elle aussi, du fond de son couvent, suit ses frères et sœurs, les établit et les marie, s'intéresse à leurs affaires et les conseille. Pour le simple croyant déjà, comment la famille qui se continue au-delà de la terre serait-elle diminuée devant la foi? Que sera-t-elle donc pour une sainte qui peut raconter ce que racontait Sainte Thérèse, donnant là tout au moins le symbole des préoccupations intimes de son cœur. Je me sentis transporté au ciel, et les premières personnes que j'y vis furent mon père et ma mère. De telles âmes ne doivent pas seulement dire que personne n'a trop d'esprit, elles doivent être encore plus persuadées que personne n'a trop d'amour, et qu'à la condition de puiser à la vraie source, personne ne saurait en manquer pour quelque créature que ce soit. Le premier de ces deux sentiments, je le retrouve non seulement dans Sainte Catherine de Sienne et Sainte Thérèse, mais dans le sévère fondateur de Saint-Sulpice. Consolant le marquis de Fénelon après la mort de sa femme, il lui dit, lettre, tome 1, page 515, mon cher enfant, votre Madeleine est allée au sein de Dieu, où elle vit pour vous et où elle attend votre cœur, sachant qu'elle n'y peut être trop aimée. Ainsi, dirais-je, quand deux âmes sont déjà, en Dieu, elles ne peuvent trop s'y aimer. C'est là certainement la pensée de Monsieur Ollier et celle des saints. Quant au second sentiment, il éclate dans l'amour naïf que tant de saints ont porté même aux animaux. Les effusions de Saint François d'Assise parlant à ses sœurs les hirondelles sont bien connues, et on n'a qu'un tort quand on les admire, c'est d'y voir un phénomène tout à fait exceptionnel, propre à un doux rêveur, à une âme innocente, mais plus tendre et plus poétique que ne l'est habituellement l'âme d'un saint. Le fougueux et terrible Saint Bernard, cet homme si dur à lui-même, ne pouvait contempler une douleur, une faiblesse, une infirmité, physique ou morale, sans être saisi d'une immense compassion. On remarquait qu'il ne pouvait assister aux obsèques d'un étranger sans pleurer. Son humanité, dit un de ses biographes, s'étendait jusqu'aux animaux sans raison et jusqu'aux bêtes sauvages. À la vue d'un lièvre poursuivi par les chiens ou d'un pauvre oiselet menacé par un oiseau de proie, son cœur se serrait, il ne pouvait se tenir de tracer en l'air un signe de croix, afin de sauver les innocentes petites bêtes. Voir Vacandar, ouvrage cité tome 2, page 514. Ainsi cette sensibilité même, cette sensibilité émotive qu'ils ont d'abord amortie en lui refusant toute complaisance, elle se retrouve plus tard en eux. Devenue plus riche et plus délicate par la violence de leur amour et par l'étendue indéfinie de leur charité. Elle s'y retrouve même avec une condescendance aimable pour ses plaisirs légers, qui font aimer la vie, dit Alfred de Musset, ou qui tout au moins aident à en supporter les trop lourdes charges. Ces plaisirs aucun de nos saints ne les recherche volontairement pour lui-même, mais au besoin, chacun s'ingénie à les procurer aux autres, surtout s'ils sont jeunes ou maladroits affligés. Sainte Claire, Sainte Thérèse se relevaient expressément pour aller préserver du froid celle de leur sœur dont la santé les inquiétait. Saint François d'Assise faisait presque un miracle pour offrir à son médecin un bon dîner, dont les réserves du monastère ne fournissaient guère les éléments. En retour, quand le plus austère se voit entouré d'égards par un des siens, il accepte, et remercie Dieu de lui avoir donné un bon compagnon. Comment s'étonner dès lors, de ses amitiés, des saints auxquels un écrivain célèbre eût voulu consacrer un livre tout entier? Comment s'étonner que, dans l'histoire de la plupart des saints qui ont exercé une action réformatrice et durable sur les institutions religieuses, on retrouve toujours le nom et l'influence d'une sainte femme associée à leur dévouement et à leur cœur. Saint Paul à côté de Saint Jérôme, la comtesse Mathilde à côté de Saint Grégoire VII, Sainte Claire à côté de Saint François d'Assise, Sainte Thérèse à côté de Saint Jean de la Croix, Sainte Chantal à côté de Saint François de Sales. Mais il est temps d'arriver à cet amour qui transfigure tous les autres, à l'amour de Dieu. Je n'en considérerai cependant que deux aspects, je chercherai le rapport qu'il a avec la souffrance, et le rapport qu'il a avec l'action. C'est, en effet, par là que l'amour des saints diffère non seulement de l'amour profane, cherchant avant tout la jouissance, mais de l'amour, quiétiste, des faux mystiques. Je n'ai jamais douté, écrit M. Delier, lettre, tome 1, page 276, conférib idem, 390, que le centre du christianisme ne fut dans la souffrance. À sa confidente d'alors, une sainte femme appelée Marie Rousseau, il avoue cependant ses angoisses et les appréhensions que lui causent les soucis de la vie. Il les supporte, est-il besoin de le dire, avec le plus grand courage. Dans une autre lettre, adressée, celle-là, à son directeur, et qui vient peu après, il en donne la raison qui se présente à l'esprit la première. Hélas, qu'il est aisé d'aimer en jouissant, mais d'aimer en souffrant, c'est ce qui est difficile, et c'est ce qui me paraissait être la véritable marque de l'amour. Aimer en souffrant, cela peut s'entendre de deux manières. On peut accepter la souffrance avec résignation, en vue de la béatitude à gagner pour soi et pour les autres. C'est là un premier degré que les saints ne tardent pas à franchir, et celui qui vient de parler là lui-même franchit bien vite. Après avoir accepté de souffrir, ce qui est encore à la portée de beaucoup de sages et d'âmes fortement trempées, il offre de souffrir. Pourquoi ? Ici aussi il y a des degrés. Cette souffrance peut d'abord être aimée comme une condition, non pas d'une récompense accordée à une sorte de dévouement mercenaire, mais de l'efficacité d'efforts accomplis en vue d'un but valant par lui-même tous les sacrifices de l'humanité. Devenez, disait Sainte Catherine de Sienne à Urbain VI, lettre, tome 1, page 83, devenez semblable à votre chef le doux Jésus, qui toujours, depuis le commencement du monde jusqu'à la fin, a voulu et voudra que rien de grand ne se fasse sans beaucoup souffrir. Si héroïque que soit cette parole, il est permis de penser qu'en l'écrivant, la Vierge inspirée ménageait encore dans le pontife roi quelques sentiments terrestres, comme l'amour de la gloire, dont elle essayait de se servir. Mais le saint s'élève d'un nouveau degré quand il se dit qu'en fin de compte, ces grandes choses, c'est Dieu qui les accomplit par la main des hommes. Alors il en arrive à désirer la souffrance uniquement pour consumer en lui tout ce qui y entretient quelque mouvement personnel tendant à le séparer de celui auquel il veut s'unir. Je me disais en moi-même, lisons-nous dans Monsieur Ollier. Seigneur, je ne puis vous témoigner mon amour qu'en souffrant. Hélas, Seigneur, le moyen que je vive si je ne vous témoigne mon amour. Le souffrir vous en donnera l'assurance. Ne croyons pas que cet héroïsme n'ait dans la nature humaine aucune racine. Le soldat vaillant tient à souffrir pour sa patrie et pour sa gloire. L'homme d'État passionné pour la puissance de son pays regrette les moments de distraction que lui imposent les conventions de la société. Est-ce que ce n'est pas au plus positif d'entre eux, à Lord Palmerston, qu'on attribue ce mot ironique, mais profond, la vie serait encore tolérable si ce n'était pas les plaisirs. Trouverons-nous maintenant si insensés tous ces saints qui, chargés du souci du royaume de Dieu, répètent la parole de Sainte Thérèse, les souffrances seules peuvent désormais me rendre la vie supportable. Souffrir, voilà où tendent mes vœux les plus chers. Que de fois, du plus intime de mon âme, j'élève ce cri vers Dieu, Seigneur, ou souffrir ou mourir, c'est la seule chose que je vous demande. Sa vie, 531, Conférolier, lettre, tome 1, page 390. Je ne crois pas que ce soit trop raffiné que de dire qu'après avoir ainsi accepté, qu'après avoir ainsi offert de souffrir, Le saint n'est pas encore satisfait, s'il ne va lui-même au-devant de la souffrance. C'est ici ce qu'on appelle l'ascétisme. On s'en fait, je crois, une idée fausse, au moins pour ce qui concerne les saints, quand on n'y voit que l'effet d'un dégoût stérile de la vie ou qu'une mortification ayant en vue de supprimer les tentations les plus grossières de la chair. Ascétisme, d'après l'étymologie même du mot, veut dire exercice. L'ascète est donc un être qui s'exerce, et à quoi? On dit, d'abord à supporter patiemment la souffrance, puis à l'affronter en dépit des répugnances de la nature, puis, enfin, à l'aimer. Soit c'est là, en effet, une gradation que nous venons de suivre tout à l'heure, mais il est évident que le saint, en souffrant volontiers, s'exerce encore à autre chose, il s'exerce à vouloir et à agir, et c'est le moment de rappeler que dans la psychologie théorique des saints l'amour et la volonté ne font qu'un. Une psychologie superficielle ou qui n'étudie que des âmes fort éloignées de celles qui nous occupent professe que c'est le plaisir qui stimule l'action et que c'est la douleur qui l'arrête. Oui, la douleur arrête l'action quand elle épuise les forces, elle l'arrête quand les souffrances qu'elle avive sont redoutées et qu'on ne peut ou qu'on ne sait les faire servir à rien, elle l'arrête, enfin, quand les forces se heurteraient à un malheur inévitable ou irréparable. Mais les souffrances des saints ne connaissent aucun de ces trois cas. Si elles épuisent parfois les forces du corps, elles n'épuisent pas celles de l'âme, car elles sont elles-mêmes le produit de la vigueur d'une âme aimante, c'est-à-dire avide de dévouement et de sacrifice. Elles ne découragent pas l'action qui sert à les renouveler, puisqu'en le faisant elles renouvellent ce que précisément l'âme désire, comme la plus haute perfection qu'elle puisse atteindre sur terre. Enfin, elles ne mettent point l'âme en présence de l'irréparable, puisqu'elles lui donnent, au contraire, le moyen le plus efficace de réparer la nature et de la cheminer vers son état idéal. Cet état sans doute, placé à l'autre pôle de la vie totale, c'est la béatitude suprême dont le pressentiment soutient et console. Ainsi se mélange dans l'âme du saint un commencement de bonheur qui se manifeste par une joie constante et en même temps une souffrance qui non seulement n'est pas redoutée, mais est recherchée et provoquée. Union de deux états bien opposés en apparence, union incompréhensible pour ceux qui ne voient l'humanité que dans la platitude de la vie ennuyée et inutile. Union parfaitement intelligible et scientifiquement expliquée pour qui s'inspire d'une psychologie complète, c'est-à-dire embrassant toutes les parties de l'âme humaine et les voyant dans leur ordre d'excellence. Le point culminant de la vie sainte est donc l'action. Mais, loin d'être parvenu ici au terme d'une étude complète, il semble que nous ne fassions que nous tenir sur le seuil, car, si sublimes que soient les paroles où s'expriment les sentiments des saints, c'est à leurs actes surtout que l'humanité les juge, c'est pour leurs actes que chez les sceptiques eux-mêmes on les célèbre et on les admire. Comme il nous faut cependant nous arrêter, contentons-nous de nous résumer et de conclure en montrant comment l'aptitude à l'action et la puissance d'action sont étroitement liées chez les saints à tous les phénomènes psychologiques que nous avons étudiés jusqu'ici. Celui-là fait beaucoup qui aime beaucoup, dit l'imitation. Oui, l'amour en lui-même, l'amour pris comme un mouvement de l'âme à la fois trop riche et trop pauvre, cherchant à se donner et à se compléter, l'amour est actif, et il mérite ce qu'en dit le pieux écrivain. Il ne sent point sa charge, et les travaux ne le fatiguent point. L'impossible ne lui sert jamais d'excuse, puisqu'il croit que tout lui est permis et possible. Mais il ne faut pas oublier que, le propre de l'amour est de transformer l'âme en la chose qu'elle aime. Voilà pourquoi ceux qui s'intéressent à une âme tremblent pour elle tant qu'ils n'ont pas vu sur quel objet son amour devait se porter. Or l'âme des saints aime Dieu et le Fils de Dieu, c'est pourquoi, loin d'être détournée de l'action, elle y est entraînée par sa volonté de suivre la croix ou de porter celle qui lui est échue. Elle se dit avec Sainte Catherine de Sienne, lettre, tome 2, page 285, que, le prochain lui a été donné pour montrer l'amour qu'elle porte à Dieu, car, dans l'impuissance où elle est de rendre service, comme elle le voudrait, au bien suprême, elle est heureuse d'y réussir, autant qu'elle le peut, en servant, selon son état, le prochain cher à son Dieu. Si dans l'accomplissement de cette tâche elle goûte ce qu'elle appelle de la tendresse et des douceurs, elle en est reconnaissante à celui qui les lui donne. Mais si ce sentiment lui est refusé, elle se dit que l'amour véritable est dans le dévouement gratuit, non dans le sentiment du plaisir goûté, car selon les expressions toutes semblables de Saint Jean de la Croix et de Sainte Thérèse, l'amour est avant tout dans la force et dans l'efficace, aimer Dieu c'est le servir dans l'humilité, dans la force et dans la justice. L'action est encore imposée aux saints par leur désir de la souffrance et surtout par leur manière de comprendre la souffrance. Ce qu'ils aiment, en effet, ce n'est pas la souffrance passive, ce n'est pas la tristesse, ils n'ont pas assez d'expression pour la flétrir et pour la proscrire. Avec saint François d'Assise, ils y verront le mal, babylonien. Avec sainte Catherine de Sienne, ils y dénonceront l'effet de l'action de Satan, dont la volonté expresse est de faire tomber l'âme, dans l'ennui, le trouble, la tristesse et les scrupules de conscience, quand il n'a pas réussi à développer la sensualité qui, ôte la constance et rend le cœur étroit, faible et pusillanime. Avec Monsieur Ollier, ils y trouveront un état d'âme inévitablement porté à réclamer bientôt les consolations de sentiments qui, quoique prétendant s'adresser à Dieu, n'en sont pas moins des amusements nés de la chair et du mensonge. Plus familièrement ils diront avec sainte Thérèse, « Je ne crains rien tant que de voir nos filles perdre cette joie de l'âme, je sais ce que c'est qu'une religieuse mécontente. » Les souffrances qu'aiment les saints, on l'a vu plus haut, ce sont les souffrances actives, ce sont, le mot revient à chaque instant dans leur bouche, ce sont les souffrances de l'enfantement, oui, enfantement d'une âme qui naît ou renaît à la vie spirituelle, enfantement d'une patrie, enfantement d'une cité nouvelle, enfantement d'une institution que la haine veut empêcher de naître, enfantement d'un ordre laborieux, instruit, charitable, enfantement d'une église. Ce sera parler encore le langage de tous les vrais mystiques que de dire qu'un tel enfantement est le produit et le signe de l'amour. L'action des saints est alimentée par la contemplation. Ce n'est pas ici un paradoxe. Monsieur Renan a opposé les saints aux hommes d'action, sous prétexte que les premiers sont des idéalistes, des hommes de contemplation et d'oraison. Son erreur est celle de beaucoup d'autres, elle n'en est pas moins grave et étonnante. Note. Elle n'était point partagée par Henri Martin qui disait fort bien de Jeanne d'Arc, la sérieuse enfant offrait déjà ce mélange de méditation solitaire et de puissante activité qui caractérise les êtres promis à de grandes missions. Fin de la note. D'abord, nous l'avons vu, il est une faculté qui reste non seulement intacte, mais forte dans l'immobilité de la contemplation la plus élevée, c'est la volonté intellectuelle. Les sens, la mémoire, l'imagination, le raisonnement, la volonté affective peuvent être paralysés au moins pour un temps. Cette action simple de la volonté qui est le don libre de soi-même ne l'est jamais dans l'oraison. Telle est la tradition des vrais mystiques. Puis il faut toujours voir les faits psychologiques dans leur développement et dans leur suite. La contemplation est donc étroitement liée à l'amour et à l'amour actif, elle est l'effet d'un amour déjà exercé et déjà intense, Elle est l'inspiratrice et la directrice d'un amour encore plus ardent. C'est du sein même de sa vie si active, que Saint Grégoire le Grand disait, quand on veut atteindre la citadelle de la contemplation, il faut commencer par s'exercer dans le champ du travail. Quiconque veut se consacrer à la contemplation doit nécessairement s'interroger à fond pour savoir jusqu'à quel point il peut aimer, car c'est l'amour qui est le levier de l'âme, lui seul peut la soulever et, l'arrachant du monde, lui donner tout son essor. Moralia 6, 37. Ici le travail précède la contemplation, mais bientôt la contemplation à son tour demandera le travail et le rendra plus efficace. Comment, en effet, s'être associé à la passion du Sauveur, comment avoir écarté de soi tout ce qui empêchait de voir et d'adorer ses souffrances, sans se sentir appelé à les partager, dans le même esprit et pour la même fin, pour le rachat de l'humanité? La contemplation sert encore à l'action, parce que, selon l'expérience des saints, elle peut se former comme un réservoir d'idées, d'amour et d'énergie qui sera forcé de donner de son trop-plein. Le canal, selon saint Bernard, répand tout ce qu'il reçoit aussitôt qu'il l'a reçu, le réservoir attend qu'il soit rempli. Hélas, ajoutait-il, nous avons aujourd'hui dans l'Église fort peu de réservoirs et beaucoup de canaux, des âmes avides de commander avant de savoir se gouverner elles-mêmes. Enfin, la puissance d'action que nous admirons chez les saints tient à l'état de leur intelligence, à la solidité et à la netteté de leur foi. J'ai dit que, certains du but où ils tendent, ils sont circonspects et prudents pour les moyens qu'ils emploient. C'est là une nouvelle différence qu'il y a entre eux et les sceptiques, ceux-ci prennent les premiers moyens venus, mais ils se découragent vite, parce qu'ils en arrivent vite à se demander, à quoi bon? Le saint, précisément parce qu'il a hésité, réfléchi, douté même avant d'agir, ne doute plus ni n'hésite plus une fois que l'action est engagée. Quand on agit purement pour Dieu, dit sainte Thérèse, il permet que l'âme éprouve je ne sais quel effroi au moment où elle aborde l'action. Mais sainte Thérèse eut volontiers pris à son compte cette autre maxime de sa sœur italienne, que le serviteur de Dieu ne tourne pas la tête en arrière pour regarder la charrue. Elle devait encore singulièrement goûter ce conseil de saint Ignace. Ne jamais changer, au temps de la désolation, les résolutions qu'on a prises avant d'y tomber, essayer de ne changer que ses dispositions intérieures, c'est-à-dire sa désolation même. Avant de terminer, arrêtons-nous à cette maxime, une des plus merveilleuses que jamais conducteur d'âme ait formulée. Qu'est-ce d'abord que chacun de ces deux états? Il ne faut pas songer à en donner une autre définition que celle de l'auteur des exercices. La tradition ne date pas de lui, mais il l'a fixé en très immortel. J'appelle, dit-il, consolation toute augmentation de foi, d'espérance et de charité et toute joie intérieure qui appelle et attire l'âme aux choses célestes et aux soins de son salut, la tranquillisant et la pacifiant dans son Créateur et Seigneur. J'appelle désolation le contraire, les ténèbres et le trouble de l'âme, l'inclination aux choses basses et terrestres, les diverses agitations et tentations qu'il apporte à la défiance et la laisse sans espérance et sans amour, triste, tiède, paresseuse et comme séparée de son Créateur et Seigneur. Ainsi, les saints estiment que, le bon esprit, c'est celui qui fait prédominer la joie, au sein même des souffrances acceptées ou cherchées, et que le mauvais esprit, c'est celui qui fait prédominer le doute et la tristesse au milieu des plaisirs sensibles. Nous voilà loin, du supporte et abstiens-toi, du stoïcisme. Le saint dit à son disciple ce qu'il s'est dit à lui-même. Es-tu sans confiance et sans élan, Défie-toi, c'est le mauvais esprit qui te captive. As-tu le cœur en haut et te sens-tu joyeux et fort? Va de l'avant, car c'est Dieu qui est avec toi. Est-il un plus infaillible moyen d'entraîner l'âme à l'action? Car débuter par une action résolue et s'y affermir par le sentiment de la joie virile qu'on y éprouve est certes plus sûr que de débuter par une jouissance quelconque pour risquer d'y affadir son cœur et d'y amollir son énergie. Venons maintenant à cette conclusion pratique, profiter de la désolation comme d'un châtiment, d'une épreuve et d'une leçon, réagir contre elle par la réflexion et la pénitence, mais réagir surtout par la constance des résolutions qu'on avait prises, enfin ne jamais renoncer à ces dernières quand elles avaient été formées dans un temps de consolation. Ne voulut-on se placer qu'au point de vue tout humain du succès? L'efficacité d'une telle règle apparaîtrait déjà comme victorieuse de tous les regrets inutiles et de toutes les défaillances momentanées. En vain objecterait-on qu'il serait périlleux de confondre la consolation et l'illusion et que la désolation est peut-être pour quelques-uns la vue plus claire des difficultés et des obstacles. Cette double confusion, les saints ne la font pas. On a vu combien ils tiennent à pratiquer le doute préalable quand ce doute a des raisons, car selon l'Écriture sainte il y a temps pour tout, il y a un temps pour l'hésitation et il y en a un pour la résolution. L'exécution trouve-t-elle des difficultés? Il faut s'examiner avec plus de soin et prier avec plus d'ardeur. Pourquoi? Pour remettre tout en question? Non pas, mais pour retrouver, avec des lumières nouvelles, un surcroît de force et de joie qui permet de mener à bien l'œuvre entreprise. Grâce à une telle habitude, rien ne se perd des moindres forces constituées dans les élans de la foi, de l'espérance et de la charité, rien ne s'en laisse entamer par la tristesse ou par le doute. L'action, confiante et sûre, dans laquelle elle se dépense, sert elle-même à les reconstituer. C'est ainsi que l'optimisme des saints, qui est le seul optimisme raisonnable, est en même temps la plus grande force du monde. À quoi s'emploie-t-elle? Toutes les œuvres de charité qui couvrent le globe le disent assez. Elle le dirait plus haut encore si cet amour que l'homme de Dieu porte au monde, le monde ne le repoussait pas. Saint Bernard dépeint ainsi la vie active. La vie active, c'est donner du pain à celui qui en manque, c'est enseigner au prochain la parole de la sagesse, c'est ramener dans la droite voie celui qui s'égare, c'est rappeler les orgueilleux à l'humanité, les ennemis à la concorde, c'est visiter les infirmes, ensevelir les morts, c'est racheter les captifs et les prisonniers, c'est veiller enfin à ce que chacun ait ce qui lui est nécessaire. Traiter de la manière de bien vivre. Quel champ un pareil programme n'ouvre-t-il pas au sein de tous les temps et, osons le dire, au sein que Dieu peut nous réserver pour l'avenir? Donner du pain à celui qui en manque, ce n'est pas seulement faire une charité banale, c'est organiser toutes les œuvres, c'est créer tous les modes d'association et de prévoyance qui doivent assurer à tous le pain quotidien. Visiter les infirmes, c'est offrir au progrès de la science le concours charitable sans lequel les prodiges même de la médecine et de la chirurgie échoueraient souvent devant l'incurie ou devant la misère. Rétablir la paix, c'est intervenir par les moyens qui permettaient jadis, qui permettraient encore aujourd'hui, si on le voulait, au pasteur des âmes, de sauver le principe de la famille, d'inspirer la concorde aux états chrétiens, de désarmer les impitoyables concurrences, de faire pratiquer partout également et de bonne foi, les conditions d'un travail sage, humain et modéré. Les captifs ou plutôt les prisonniers à consoler augmentent, hélas dans les prisons avec le nombre des criminels qui travaillent à la désorganisation universelle. Un saint, fondateur d'un ordre accepté par la société civile, pourrait seul, de nos jours, assurer la réhabilitation des coupables et leur préparer une rentrée utile dans cette société qui essaie en vain de se débarrasser de leurs contacts. La vie active du serviteur de Dieu, la voilà. Pour la soutenir et la développer, ce n'est pas trop de toute la lumière, de toute la pureté, de toute la réflexion, de tout l'amour, de tout l'esprit de sacrifice et en même temps de toute la joie que nous a paru renfermer l'âme des saints. Deux ordres d'évolution s'accomplissent sur terre. Ignace de Loyola en décrivait une avec brièveté quand il énumérait ces trois termes, la chair, le monde et Satan, la chair, avec ses convoitises et ses retours vers l'animalité, le monde, avec ses jalousies, ses luttes, ses colères, Satan, ou la suggestion extérieure de tous les vices dont chacun veut se faire des complices et s'assurer indéfiniment des prosélytes. Pour avoir le secret complet et embrasser le clair résumé de la vie sainte, prenons les trois termes opposés, l'Esprit, l'Église, le Christ, l'Esprit, maître et pacificateur de la chair remise à sa place, l'Église, assemblée de tous les hommes de bonne volonté, le Christ, enfin, modèle éternel en qui nous retrouvons toute notre humanité, mais réparée et transfigurée.